Cette semaine encore, j'ai reçu des lettres d'auditeurs me demandant des informations sur Monsieur X. Qui est-il? Quelle fonction a-t-il exercé? Comment peut-il détenir des secrets aussi considérables? Mais, à mon grand regret, je ne peux satisfaire la curiosité de ces auditeurs. Monsieur X est formel. S'il sent son anonymat menacé, il mettra fin immédiatement à nos rencontres hebdomadaires. Alors, je vous rappelle uniquement ce qu'il m'a permis de vous révéler. Sa mère, ou son père, était russe. Il a travaillé officiellement ou officieusement pour les services de renseignement de notre pays, au plus haut niveau. Enfin, dans les années 50, il a exercé une fonction élective à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou plutôt au Conseil de la République, comme on appelait alors le Sénat. Je n'en sais guère plus et je ne peux pas en dire plus. En tout cas, le sujet de notre entretien de cette semaine montre à l'évidence que M. X a eu accès à des sources d'informations privilégiées. Nous sommes en 1963. La guerre d'Algérie est terminée depuis presque un an, mais l'OAS bouge encore, malgré les nombreux coups qu'elle a reçus. Et l'organisation secrète reste dangereuse. En février, plusieurs officiers qui préparaient un attentat contre le général de Gaulle à l'école militaire sont arrêtés. En février toujours, ce sont les membres d'un autre commando OAS qui projetaient d'assassiner le Premier ministre, Georges Pompidou, qui sont neutralisés. Mais, à l'évidence, c'est d'abord le général de Gaulle qui est la cible de ces irréductibles qui n'imaginent plus la possibilité d'un retour de l'Algérie à la France, mais veulent d'abord se venger de celui par qui tout est arrivé. Des irréductibles qui, pour la plupart, rêvent d'un régime nouveau, d'un pouvoir fort inspiré par le fascisme, pour les uns, ou par la monarchie pour les autres. Et justement, où sont-ils? Quels sont leurs chefs? On estime qu'ils sont 4000 réfugiés en Espagne. Quelques centaines sont clandestins en France, d'autres sont répartis entre la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. D'autres encore, soldats perdus, légionnaires déserteurs, ont franchi une autre frontière, celle du banditisme. Les chefs ne sont guère plus unis. À Lisbonne, Bidault et Soustelle ont créé un nouveau CNR, Conseil National de la Résistance. Château-Jobert, un officier extrémiste, exalté et mystique, a fondé en Espagne son propre mouvement. L'ex-colonel Argout essaie en vain de convaincre les troupes françaises en Allemagne de le rallier. Quant à l'idéologue de l'organisation secrète, Jean-Jacques Susini, il est marginalisé et vit dans la clandestinité en Italie. Et on parle encore d'une mystérieuse société secrète qui regrouperait des officiers supérieurs et se tiendrait prête le cas échéant. Mais ce qui inquiète surtout le pouvoir gaulliste, c'est l'existence d'un certain nombre d'activistes, 200 à peu près, membres des commandos de choc de l'OAS, des durs, qui sont toujours susceptibles d'attenter à la vie du chef de l'État. Et en effet, en 3 ans, on recensera 15 tentatives d'assassinat contre le général de Gaulle, sans compter celles qui ont avorté avant même d'être exécutées. Ces hommes-là vont et viennent entre la France et les pays voisins. Incontestablement, en 1963, ils sont encore dangereux et c'est pour les neutraliser qu'à Paris, dans le plus grand secret, on imagine une opération qui demeure aujourd'hui encore mal connue. Monsieur X nous en dit plus dans un instant. Je lis tous les romans à l'eau de rose. J'en souligne des passages au crayon rose. Le bonheur m'obsède à la névrose. Là où il y a du gris, je mets du rose. Sur sa bouche, je pose. qu'aimer toujours, qu'aimer toujours. Rendez-vous avec X sur France Inter en compagnie de Patrick Pénaud. Rien que le nom attribué à cette opération est tout un programme. Opération réconciliation, vous imaginez ? Réconciliation avec les membres de l'OAS. Exactement. Et en cette année 1963, c'est assez osé parce que même si le gouvernement vient de décider au printemps la fin de l'état d'urgence, bien la situation demeure tendue et on sait que les tueurs de l'OAS n'ont pas renoncé à tuer de Gaulle. Et puis se réconcilier avec ces types qui ont tellement de sang sur les mains, ça me paraît quand même un peu prématuré. Non, à peine un an après la fin de la guerre. Mais attendez, qui décide de cette opération réconciliation ? Le pouvoir, au plus haut niveau. Plus haut niveau, c'est-à-dire à l'Élysée. Mais oui, hein, vous savez bien que sous la Ve République, rien d'important ne se décide ailleurs. Surtout, une opération aussi sensible. Donc, à l'Élysée. De Gaulle. Voilà. Oui, oui. Hein. Il a donné son feu vert. Et ça, bon, c'est déjà étonnant parce que De Gaulle était toujours une cible pour les commandos de l'OS. Et s'il y avait en France quelqu'un d'hostile à l'OS, c'était bien lui. Après tout, au petit Clamart, il avait quand même bien failli y passer. Mmh. Enfin, n'est-ce pas, il y a parfois des moments où la raison d'État doit l'emporter. Mmh. Mais vous parlez de l'attentat du petit Clamart. 1963, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi l'année du procès des auteurs de cet attentat, hein, c'est ça ? C'est juste. Oui. En mars, Bastien Thiry, le principal instigateur de l'attentat, est fusillé. Et à ce propos, je voudrais d'ailleurs vous citer une anecdote. À l'un de ses familiers qui lui demandait pourquoi il n'avait pas gracié Bastien Thiry, le général a répondu en substance « Les Français ont besoin de martyrs. J'aurais pu leur donner l'un de ces comtes généraux qui jouent au football dans la cour de la prison de Tulle, mais je leur ai donné Bastien Thiry. » Celui-là, il pourra en faire un martyr. Lorsque je ne serai plus là, lui, au moins, il le mérite. Ça ressemble bien à De Gaulle. Hein. Oui, assez, en tout cas. Et bon, c'est quand même dramatique. Hein, mais enfin, revenons à l'opération réconciliation. Ce n'est quand même pas le général lui-même qui va s'en occuper. Vous avez raison. Non, non, bien sûr. Le véritable chef d'orchestre va être le ministre de l'Intérieur. Ah, c'est Roger Frère, à l'époque. Lui-même. Et le paradoxe, c'est que ce sont ses services qui ont mené la lutte la plus impitoyable contre l'OAS. À travers un organisme discret, le BDL, le Bureau de liaison, qui regroupait des policiers volontaires et efficaces venus des renseignements généraux et de la SDST. Et pourtant, c'est à ces gens-là qui viennent de se bagarrer durement contre l'OAS qu'on va demander de mettre en place l'opération réconciliation. Alors, je voudrais savoir, quel est le véritable objectif de cette opération réconciliation ? Eh bien, faciliter le rapatriement de tous les exilés de l'OAS, en tout cas, c'était l'objectif avoué, l'objectif humanitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, un peu de patience, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, vous raconter comment tout cela a commencé. Parce que c'est bien beau de vouloir prôner la réconciliation, mais il y avait d'abord quelques petites difficultés à résoudre. De quelle nature ? Oh, ce n'est pas très compliqué à imaginer. Il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas la mémoire courte. Ça, c'est vrai. Un peu moins d'un an après les exactions de l'OAS dans les rues d'Alger, après les attentats aveugles en Algérie et en métropole, les morts, les blessés, c'était quand même difficile d'oublier. Mmh. Et encore plus difficile de pardonner, convenez-en. Donc, il fallait que l'opération soit discrète, très discrète, et qu'à aucun moment le pouvoir ne soit compromis. Et puis, il y avait d'autres problèmes. Ouais, j'imagine qu'il y avait aussi des difficultés d'ordre juridique. Oui, voilà. Car il ne faut pas oublier que tous ces types en cavale étaient passibles de la Cour de sûreté de l'État s'ils revenaient en France. Alors comment faire l'amnistie, la grâce présidentielle ? Non, c'était trop tôt, beaucoup trop tôt. Et l'opinion publique française n'aurait pas compris cet acte de clémence. Alors, une fois de plus, on a fait fi de la fameuse séparation des pouvoirs. Et on a fait très fermement comprendre aux magistrats de la Cour de sûreté de l'État qu'il leur faudrait être très compréhensifs. Mmh. Et les magistrats ont obtempéré. Bien évidemment. Et puis n'oubliez pas que c'était un tribunal d'exception, comme le proclamaient alors les adversaires du général. Enfin bref, tout était presque mis en place. Mais encore, fallait-il convaincre les types de l'OAS d'accepter cette drôle de paix des braves ? Ah ben ça, c'était autre chose, parce que ces hommes, qui vivaient pour la plupart en Espagne, n'étaient pas des tendres, les enfants de cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis l'oisiveté, comme vous le savez, mène aux pires excès. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens de tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre. Je t'appartiens. Si tu condamnes, si tu me tannes, voici mon âme, voici mes mains. Avec les peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines, je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire sur la basse terre, sur mon chemin? Comme les anges chantaient des louanges, mais je ne suis pas un ange. Ça, tu le sais bien. Je ne suis que l'homme, rien qu'un pauvre homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime bien. Parfois, je pense que dans ton immense palais de silence, on doit être bien. Je t'appartiens. Sur l'ambiance et l'état d'esprit des membres de l'OAS réfugiés en Espagne, j'ai trouvé un témoignage du colonel Château-Jaubert, lui-même membre de l'organisation terroriste. Dans son livre « Feu et lumière sur ma trace », paru aux presses de la Cité, il écrit « Parmi les anciens d'Algérie qui avaient trouvé quelque refuge aux environs de Saint-Sébastien, peu résistaient aux dangereuses incitations qu'engendrait le désœuvrement. On me racontait les badineries, les déplacements dans des voitures « empruntées » entre guillemets, et même les actions d'intimidation d'une bande à l'autre. Beaucoup furent rapidement repérés, identifiés et assujettis au contrôle régulier de la police espagnole. Il était grand temps de quitter les lieux, car je tenais absolument à conserver mon entière liberté. Mais reprenons le fil de mon entretien avec M. X. Dans cette affaire, il y a quelques figures assez intéressantes qui sont intervenues, de type pas ordinaire. Le premier, c'est un flic. Vous avez forcément entendu parler de lui. Michel Barouin. Ah oui, bien sûr, c'est le père du très éphémère secrétaire d'État Jacques Chirac, hein, français. Lui-même, oui. C'est Barouin. Oui, un homme qui a eu une carrière assez singulière et qui est mort dans un accident d'avion alors que... Le père. Oui, le père, alors que François Mitterrand venait juste de lui confier l'organisation du bicentenaire de la Révolution. Ouais, je me souviens, mais quand il est mêlé, lui, à cette opération réconciliation, quel poste occupe-t-il exactement? Il est commissaire principal des renseignements généraux. Et il est très proche des deux patrons de ce BDL dont je vous ai déjà parlé. Le BDL, c'est le Bureau de liaison, donc un organisme chargé, de lutter contre l'OAS. Hein. Oui. Et Barouin en fait partie. Formellement, ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûr, par contre, c'est que c'est le BDL qui va l'envoyer en mission en Espagne. Et pourquoi lui? Parce que Barouin connaît bien le terrain. Je ne comprends pas. En principe, les RG, les renseignements généraux... sont chargés de recueillir l'information en France, sur le territoire français, non ? En principe, oui. Enfin, il y a des missions qui débordent de ce cadre très strict. Ouais. Des missions confidentielles, vous comprenez ? Et puis, Barouin, avant d'entrer au RG, a fait un stage à la DST. Ouais. C'est donc un homme très précieux, très habile aussi. Mais le deuxième personnage de cette affaire n'en est pas moins intéressant. Il s'appelle Athénas Georgiopoulos. Et c'est une figure. Attendez, ça me dit quelque chose à raconter. Alors, Georgiopoulos, qu'on appelle plus familièrement Tassou, c'est un pied noir. À l'époque, en 1963, il est installé en Espagne. Et ça a été un des types de l'OS, un membre de l'OS ? Oui, tout à fait. À Oran, c'est à lui, qu'on attribue le hold-up de la Banque d'Oran. Vous vous souvenez ? Un hold-up de l'OS, c'est ça ? Naturellement, un gros coup, puisque si je me souviens bien, il y en a eu pour 1 million de francs. 1 million de l'époque, hein, qui est allé grossir le trésor de l'OS. Mais comme Georgiopoulos est un type intelligent, il a rapidement tourné la page dès la fin de la guerre. Et alors, en 1963, qu'est-ce qu'il fait ? Des affaires. Il est encore très doué pour les affaires, Georgiopoulos, aujourd'hui encore. Mais en 1963, pour répondre à votre question, Tassou est patron d'une discothèque sur la Costa del Sol. Une discothèque, ça, c'est pratique pour nouer des contacts. Oui, vous avez raison. Et Georgiopoulos, c'est vrai, même s'il a dit adieu à l'action clandestine, il n'en a pas moins gardé des relations avec ses anciens amis activistes. C'est un personnage, hein ? Oui, incontestablement. C'est un personnage influent au sein de cette communauté de pieds noirs qui a trouvé refuge en Espagne. Au fond, c'est l'interlocuteur idéal. Bon, c'est pas vraiment un chef de l'organisation secrète, mais il a l'oreille de ses compatriotes. Donc, c'est lui, c'est ça ce que vous voulez dire, c'est lui que va aller voir le commissaire Barouin. Oui, c'était un choix très judicieux. Mais qu'est-ce qu'ils se disent, ces deux hommes, autant que vous puissiez le savoir, hein? Écoutez, de toute façon, j'étais pas sous la table, vous l'imaginez bien. Enfin, la lecture des rapports établis ultérieurement, on peut facilement deviner. Barouin, qui est très bien informé, rappelons-le, dit en gros à Georgiopoulos que ses amis pieds noirs souffrent de leur exil. Beaucoup d'entre eux sont pauvres, ils vivent donc d'expédients. Certains sont à bout de ressources, ils ont même carrément versé dans la délinquance. Alors n'est-il pas temps de penser à leur rapatriement ? Cette soudaine mansuétude doit quand même sembler un peu suspecte à Georgiopoulos. Bien sûr. Et leur année est loin d'être un naïf. J'imagine, oui. Il n'a pas oublié l'enlèvement, l'affaire de l'enlèvement du colonel Argou. Ouais. Argou, je le rappelle, enlevé en pleine ville de Munich par des barbousses françaises. Oui, puis livré, ficelé comme un saucisson dans une camionnette devant le quai des Orfèvres. Ouais. C'est ça, alors, je crois. Bon, Georgiopoulos se méfie. Il doit se dire que l'offre du commissaire Barouin cache peut-être un piège. En outre, mettez-vous à sa place, ce flic français au service du pouvoir gaulliste, c'était un ennemi. Et Georgiopoulos n'avait nulle envie de passer pour un traître. Donc c'est l'échec alors ? Non. Georgiopoulos écoute bien poliment, mais il ne promet rien. Il élude, je vais voir, je vais consulter mes amis. Mais en fait, d'après ce que j'ai pu savoir par la suite, Georgiopoulos avait une autre idée derrière la tête. Je vous l'ai dit, c'était un petit malin, ce type-là, donc la suite allait le montrer. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kisses, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. J'ai trouvé dans le livre de Rémi Coffert, consacré à l'histoire de l'OAS, livre paru chez Fayard, un intéressant portrait de ce commissaire barouin qui a joué un si grand rôle dans cette affaire. Je cite Coffert. Le cheveu coupé en brosse, un sourire énigmatique à la commissure des lèvres, Barouin est un flic aussi peu classique que possible. Friand de contacts humains, il joue du piano, lit énormément. Sous le pseudonyme de G. Michel Anou, il a publié « Sur les roses », un roman policier, bien entendu, noblesse oblige. Curieux flic, en effet. Surtout quand on sait qu'il est devenu, plus tard, grand maître du Grand Orient de France, avant de prendre la présidence de la garantie mutuelle des fonctionnaires. Mais, à propos de son engagement dans la franc-maçonnerie, il demeure un mystère. Son ancien patron des renseignements généraux, Émile Vié, a en effet prétendu dans ses mémoires que Barouin était entré sur ordre dans la franc-maçonnerie. Une mission d'infiltration, en somme, mission ô combien réussie, puisque, je vous le rappelle, Barouin est devenu grand maître. Mais cette version a été infirmée par d'autres. Barouin, franc-maçon depuis longtemps, aurait simplement répondu à quelques demandes d'information formulées par son patron de l'époque. Quoi qu'il en soit, il est vrai que c'est à cet homme-là qu'a été confiée la partie la plus délicate de l'opération réconciliation, c'est-à-dire la prise de contact direct avec les exilés de l'OAS en Espagne. Vous dites que Georgiopoulos avait une idée derrière la tête. Oui, Tassou, comme on l'appelait, s'est dit que cette opération réconciliation ne pouvait pas avoir été engagée sans que les autorités espagnoles ne soient également informées, tout au moins consentantes. Mais une parenthèse, justement. Quels étaient les rapports entre ces activistes de l'OAS, réfugiés en Espagne, et le pouvoir franquiste? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait des connivences. Des connivences idéologiques, d'extrême droite, évidentes. Seulement quand il s'agit de politique, les affinités ne pèsent pas lourd, vous le savez bien. Donc si je vous suis bien, les franquistes n'étaient pas vraiment ravis d'avoir dû accueillir ces types de l'OAS. D'abord, pour une raison évidente, nous en avons déjà parlé, cette communauté de réprouvés représentait des risques en matière de délinquance. Certains avaient tué, volé. Sans ressources, ils pouvaient être tentés de recommencer, mais alors cette fois pour leur propre compte. Ça, c'est des problèmes de droit commun, c'est tout, mais oui. Effectivement, mais enfin, en se montrant aussi hospitalière pour des gens qui voulaient toujours abattre le président français, les autorités franquistes pouvaient légitimement s'attendre à ce que ce voisin français se fâche. Alors, au diable la solidarité idéologique. Le Caudillo était à sa manière un réaliste. Et puis ces quelques milliers d'exilés ne pesaient vraiment pas lourd dans le plateau de la balance. Ouais, c'était quand même difficile pour Franco de les mettre à la porte, de les chasser. Les chasser, oui, encore qu'à l'occasion, il n'a pas hésité. Je pense par exemple au colonel Garde, par exemple, qui a été expulsé d'Espagne. Puis il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ce marais de pauvres types qu'on ne pouvait quand même pas balancer à la mer comme ça. Alors, si une solution propre se présentait, n'est-ce pas? Une solution propre. C'est par exemple donc ce rapatriement proposé par par le commissaire Barouin, c'est ça? Oui, oui, oui. À noter d'ailleurs que les Espagnols avaient d'abord eu une autre idée. Tout à fait dans la manière franquiste, figurez-vous, qu'ils avaient imaginé d'enrôler ces soldats perdus dans la Bandera. Ah, Bandera, c'est la fameuse légion étrangère espagnole. Exactement. Mais pour combattre où? Eh bien, écoutez, à l'époque, on avait vaguement évoqué le projet d'un engagement de la Bandera en Angola, aux côtés de l'armée portugaise. Et les hommes de l'OAS auraient mordu à cet hameçon? Oh, quelques exaltés, oui. Mais dans leur immense majorité, tous ces pieds noirs, car il s'agissait surtout de pieds noirs, n'avaient nullement envie d'aller faire le coup de feu de l'autre côté de la mer. On peut les comprendre, ouais. Après ce qu'ils venaient de vivre. Ouais. Donc, exit la solution Bandera. Oui, et le retour à la case départ. Mais revenons maintenant à Georgiopoulos. Après avoir vu le commissaire Barouin, il a immédiatement eu l'intuition que les Espagnols soutenaient cette opération réconciliation. Et il n'avait pas tort. Soyez plus précis. Eh bien, avant que Barouin ne parte en mission en Espagne, des contacts discrets avaient été pris avec le pouvoir franquiste, et en particulier avec un personnage qui comptait en Espagne, Eduardo Blanco. Qui était-ce? Un type assez peu engageant, le chef de la sinistre Seguridad. Seguridad, la sécurité. Oui, oui, une police essentiellement politique. Redoutable, d'ailleurs. Quand vous saurez que Blanco est un ancien de la fameuse division Azul, vous aurez compris. Ouais. Azul, c'est la division espagnole qui a combattu sur le front russe aux côtés des nazis. C'est ça. Et la tâche principale de ce Blanco, c'est la chasse aux communistes. Mais il y a aussi une section de cette police politique qui surveille de très très près les hommes de l'OAS qui résident en Espagne. Donc c'est pour ça qu'on le contacte. Oui. Et encore une fois, il faut avaler son chapeau parce que les gens du BDL... Attendez, le BDL, on répète, hein, parce que c'est... BDL, c'est le bureau de liaison, cet organisme dont vous m'avez parlé. Hein? Tout à fait, tout à fait. Bon, si ce ne sont pas des petits saints, c'est au moins d'authentiques républicains, dont beaucoup, d'ailleurs, sont issus de la résistance. Et croyez-moi, ça n'a pas dû les enchanter d'être obligés de passer par ce fasciste de Blanco. Mais la réussite de l'opération réconciliation était à ce prix. Raison d'État oblige. Car derrière... il y avait des intérêts supérieurs et l'hôte de l'Élysée était bien décidé à gagner. Thank you. Je vous l'ai dit au début de cette émission, l'opération Réconciliation a été conçue et organisée dans le plus grand secret. J'ai pourtant trouvé dans un livre écrit par Jacques Arstrich et Fabrizio Calvi, livre intitulé « RG, 20 ans de police politique » aux éditions Calman-Lévy, une relation de cette affaire. Une relation, comment dire, un peu pudique. Arstrich a été un haut fonctionnaire des renseignements généraux et manifestement, il n'a pas pu tout dire. Sur les contacts avec les Espagnols, il demeure en particulier très discret. Et on le comprend, ce Blanco, chef de la Seguridad, dont nous a parlé M. X, n'était certes pas un personnage très fréquentable, surtout au moment où cette police politique venait d'arrêter Julián Grimao, dirigeant du Parti communiste de l'intérieur, Grimao qui, rappelons-le, sera condamné à mort et garrotté peu après. Mais écoutons la suite de mon entretien avec M. X. Vous avez laissé entendre que l'opération Réconciliation cachait en réalité autre chose. C'est bien tout ça. À fait, tout à fait. Bon, je vais y venir, je vous le promets. Donc, Georgiopoulos, le contact du commissaire Barouin, se renseigne auprès des Espagnols. Et il apprend que c'est avec leur assentiment que les Français veulent monter cette fameuse opération Réconciliation. Donc, d'une certaine manière, ils se sont rassurés. Oui, oui, parce que même s'il ne se fait aucune illusion sur le machiavélisme politique de Franco, il sait quand même que les Espagnols n'iront pas jusqu'à livrer à la France tous les exilés de l'OAS. Alors que fait-il ? Eh bien, il joue son rôle d'intermédiaire. Il contacte ses amis, d'abord les Oranais, bien sûr, puis les autres. Et c'est une véritable traînée de poudre chez ces activistes. Mais concrètement, qu'est-ce que Barouin a proposé ? Le rabattrement, c'est pas très compliqué, mais après ? Barouin, mais d'abord ses chefs, ont joué très très finement. Barouin a dit à Georgiopoulos, « Tous ceux qui rentreront devront se présenter aux autorités judiciaires. Mais, parce qu'il y a un mais, les magistrats feront preuve d'une exceptionnelle mansuétude. Et ils ne resteront pas longtemps en prison. Mieux, on leur trouvera ensuite du travail et un logement. C'était quand même une proposition assez formidable pour des gens qui vivaient comme des marginaux, souvent loin de leur famille. C'était enfin l'assurance d'en terminer avec l'illégalité, vous comprenez ? Et il n'y avait aucune contrepartie ? Non. Enfin, si. Mais c'était, comment dirais-je, implicite. Si un nouvel attentat contre De Gaulle était perpétré, l'opération Réconciliation prendrait immédiatement fin. Et c'est là, si vous voulez, que les initiateurs de l'affaire montraient le bout du nez. Que voulez-vous dire, là ? Eh bien, le véritable objectif de l'opération Réconciliation, c'était de se débarrasser définitivement de l'OAS et des dangers qu'elle continuait à faire peser sur la vie du chef de l'État. Et comment on pouvait faire ? C'est très simple. En organisant ce rapatriement, on vidait l'OAS de sa substance, on la privait de ce vivier de militants qui pouvaient à tout moment devenir des tueurs. Alors c'était ça donc la vraie motivation de l'opération Réconciliation. Exactement. Et puis je peux bien vous le dire très cyniquement, le pouvoir se fichait, mais alors vraiment, comme d'une guigne du sort de ces pauvres types. Non, l'essentiel c'était ailleurs. Tenez, je vais même aller plus loin. En concevant cette fameuse opération Réconciliation, les gens du BDL s'étaient aussi dit que du même coup, ils allaient accentuer les conflits et les contradictions entre l'OAS de l'extérieur et celle de l'intérieur, l'OAS métro, comme on disait. Oui, l'OAS métropole, c'est ça. Hein ouais, ouais. Mais expliquez comment ils pouvaient penser atteindre ce but. Très facilement. Que pourraient penser ceux qui vivaient encore dans la clandestinité sur le territoire français, pourchassés par la police ou encore ceux qui étaient emprisonnés ? Ils auraient eu l'impression d'être trahis en assistant au retour de ces exilés qui, eux, miraculeusement, étaient épargnés par la justice. Ouais, c'est effectivement très, très cynique ou machiavélique. Et ça a marché, donc, cette opération. Oui, comment, oui. Ils sont rentrés par dizaines, par centaines. Et ça s'est passé vraiment comme, enfin pour eux, comme Barouin l'avait promis ? Tout à fait, tout à fait. Dès qu'ils mettaient le pied sur le territoire français, les activistes étaient récupérés par les gens du BDL, les conduits devant un juge de la Cour de sûreté de l'État. Pour la plupart, ils étaient libérés au bout de quelques heures ou de quelques jours, au mépris de toutes les règles élémentaires du code pénal. Ça, j'imagine. Ouais. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi l'opération Réconciliation devait rester un secret d'État particulièrement bien gardé. Mmh. Et Georgiopoulos ? Lui, il a attendu plusieurs années avant de regagner la France. Bizarre, non ? Après tout, il n'avait peut-être pas tout à fait confiance. Ou il était plus prudent. Oui, oui. Ou alors il se croyait plus malin que les autres, allez savoir. En conclusion, je voudrais citer une nouvelle fois le livre de Rémi Koffer, OAS, Histoire d'une organisation secrète. Mon confrère écrit que le commissaire Barouin considérait l'opération Réconciliation comme ayant été la plus belle de toutes ses missions. Plus loin, Rémi Koffer ajoute, je le cite, « Le 15 août 1964, l'attentat du Mont Faron est un nouvel échec. C'est la dernière tentative contre la vie du chef de l'État qu'on puisse recouvrir du label OAS. Depuis quelques mois d'ailleurs, l'organisation secrète n'est plus considérée comme un danger par les autorités. 1-1, les organismes de lutte anti-OAS sont dissous. Le BDL, le premier, en avril. En 27 mois d'existence, il aura arrêté près de 1500 activistes. En juin 64, le remplaçant de Charles Février dissout la division Mission et Recherche de la Sécurité Militaire, spécialement créée 3 ans auparavant pour lutter contre l'activisme OAS. Si le pouvoir se sent les coudées franches, c'est qu'il a discrètement réussi à priver l'activisme de son dernier réservoir, les exilés d'Espagne. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X.